Devenu vivant, petit garçon, un estivable et fort que humain, ne parle pas. Maintenant, déjà qu'on est l'enfant, je te réponds. Nuit de masse, nuit de folie, on reste ferme, mon petit ami. La vie, notre histoire, je t'aime parce que tu te peux moi. Toute espérance, tu te sois, mon petit garçon, tous les petits garçons, je reçois ton amour, ton émo, tes caresses-tu sûr, mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps. Pour toi, c'est sans sens, si garçon. Pour nous vivants, mon petit garçon, un juste vrai, le bloc humain, n'en parle pas. Maintenant, tu es encore un enfant. Si tu reprends, nuit de musique, nuit de folie, on reste ferme, mon petit ami, ne l'a fait. Je t'aime parce que tout pour moi, tu t'espéras à toute soir, mon petit garçon, tout la vie garçon, je reçois ton amour, ton aimé, tes caresses, tu sûr, mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps. Pour toi, c'est ça, c'est si garçon. Ok.